C'était au premier jour d'avril. Je la vis la première fois. Elle avait le regard tranquille des gens qu'on ne dérange pas. Elle passait le long de la côte comme j'y passais autrefois. Quand le vent vire à la tempête, qu'on ne sait plus bien où on va. J'avais juré pour pas jurer, moi qu'on ne m'y reprendrait pas. Oui, mais le vent de l'aventure souffle si fort en ces temps-là. Faut vous dire qu'elle était jolie. C'était au premier jour d'avril. Faisait tempête ce jour-là. Elle s'en allait du pas tranquille de ce qu'on ne dérange pas. Puis elle descendit vers la plage où je ne mets pas dans ses pas. Même ce jeu de basse guerre, je crois bien ne la surprit pas. Puis elle est entrée dans ma vie. C'était au premier jour d'avril. Je la vis la première fois. Elle avait le regard tranquille des gens qu'on ne dérange pas. Des gens qu'on ne dérange pas.